إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحمد لله، on se retrouve aujourd'hui par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour continuer les cours sur l'explication de Juz Amma. Et nous en sommes arrivés par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala à Sourate Al-Adiyat, Sourate Al-Adiyat, Sourate les coursiers. يقول الله سبحانه وتعالى والعاديات ضبحا والفالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله سبحانه وتعالى. Donc ici سورة الكرسي c'est une sourate mécoise pré-égyrienne. Et Allah subhanahu wa ta'ala jure ici par, comme on va voir, par les chevaux, pour leur immense importance et leur grandeur, et de ce qu'il y a en eux comme signe magnifique d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que ses bienfaits. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحَا par les coursiers qui allaitent. Qui allaitent, bien sûr, bien le comprendre ici, c'est écrit avec H-A-L-E-T. Ah, qui allaitent. On va voir c'est quoi ici. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici il jure par les chevaux. Il jure ici par les chevaux. Donc il y a eu deux explications par rapport à ce verset. Une petite divergence des savants. Est-ce que c'est on parle des chevaux ici ou est-ce qu'on parle des chameaux? L'avis qui est plus correct, inshallah ou ta'ala, c'est qu'on parle ici des chevaux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il jure ici par les chevaux qui galopent, hein, qui courent, qui galopent très rapidement pour justement le jihad, pour le combat dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui allait ici quand on dit dabha, c'est-à-dire lorsque les chevaux galopent rapidement, très rapidement, ils émanent un son qui sort de leur poitrine, dû à l'intensité de la course. Naam. Et c'est ce qu'on appelle allait, c'est le fait de respirer avec force et rapidement. Naam. Donc tu vois quand les chevaux, ils combattent fi sabilillah, ils sont très rapides et on entend leur son, un son qui sort de leur poitrine. Et cela prouve la force et l'intensité de leur course. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا qui font jaillir des étincelles. C'est-à-dire les chevaux par leur force de leurs sabots, lorsqu'ils galopent très rapidement. Ils font jaillir du feu, c'est-à-dire des étincelles. Lorsque les chevaux galopent à toute vitesse, les petits cailloux, ils tapent avec leurs sabots le sol et les cailloux, les petits graviers, ils se tapent les uns des autres et ça fait jaillir des étincelles. Tellement que c'est tellement qu'ils sont rapides et tellement qu'ils sont forts, dû à l'intensité de leur course. Donc c'est ça, falmouriyati qadha, qui font jaillir des étincelles. Naam, falmourirati subha, naam, qui attaque au matin. C'est-à-dire qui attaque l'ennemi au matin. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'attaquait pas l'ennemi le soir. Le plus souvent, il attaquait le matin. Il attendait le matin. Naam. Donc, lorsqu'il entendait l'adhan, l'appel à la prière, il s'arrêtait. Mais sinon, il attaquait. Il attaquait le matin. Pourquoi? Comme ils disent les savants, car c'est le meilleur moment d'attaquer l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, l'ennemi, ils sont... dans le sommeil, dans l'insouciance. Et même s'ils se lèvent pour répondre au combat, ils sont encore paresseux, ils viennent de se lever, etc. Donc ils sont encore dans l'insouciance. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a choisi, quand il jure ici par les chevaux, le meilleur moment pour attaquer l'ennemi. Hein? فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحَا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعَا. Et font ainsi voler la poussière. Naam, c'est-à-dire les chevaux ici par leurs sabots, quand ils galopent très vite, hein, sur la terre, etc., hein, et qu'ils attaquent l'ennemi, ils font voler la poussière. Hein, ça fait que la poussière vole, hein, dans tous les sens. فَوَسَطُنَ بِهِ جَمْعَا. Et pénètre au centre de la troupe ennemie. فَوَسَطُنَ بِهِ جَمْعَا. C'est-à-dire les chevaux, hein, par leurs cavaliers qui sont au-dessus des chevaux, hein, ils pénètrent au centre de la troupe, hein, de l'ennemi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi il a juré par tous ces signes, hein, et leurs descriptions? Car il y a en cela des leçons à tirer, des bénéfices. Hein, et ce sont des bienfaits, des grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs. Hein, il est venu dans d'autres hadiths qui prouvent le bienfait des chevaux, hein, qui combattent, hein, dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, il y a en cela, hein, beaucoup de bienfaits. Et Allah subhanahu wa ta'ala ensuite montre, hein, pourquoi il a juré. Justement, il dit, après avoir montré tous ses bienfaits, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, inna l'insana li rabbihi la kanoud. L'homme est certain gras envers son Seigneur. Naam, l'homme, comme on a dit à plusieurs reprises ici, l'insan, ici c'est l'être humain, à la base, hein, l'être humain. Celui qui n'a pas été guidé par Allah subhanahu wa ta'ala, il est certes ingrat envers son Seigneur. C'est-à-dire qu'il refuse et se prive de faire le bien, hein, que lui ordonne son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Car la nature de l'homme, comme on l'a vu à plusieurs reprises, son caractère, hein, il fait que certes, son âme ne lui autorise pas de faire ses devoirs, ses obligations, car il est avare. Il est avare. Allah subhanahu wa ta'ala lui donne sa subsistance. Hein, il lui donne la subsistance, il lui donne les bienfaits, mais cela ne vient qu'augmenter son arrogance, hein, et sa répulsion. Il transgresse, car il a la richesse, comme on avait vu. Il voit qu'il peut se passer d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il est ingrat. L'être humain est comme ceci, à la base. Sauf celui qu'Allah a guidé, le croyant, alhamdoulilah, lui il n'est pas comme ça. Il remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses bienfaits. Il utilise ses bienfaits dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il s'éloigne de ses interdits. Il est reconnaissant, il accomplit ses obligations, etc. Naam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, wa innahu ala dhalika la shadid. Et pourtant il est certes témoin de cela. Wa innahu. Le ha ici, le damir ici, le pronom ici revient à qui? Il y a, hein, deux explications à cela. Donc la première explication de ce verset, c'est que le sens ici, quand il dit « et pourtant, il est certes témoin de cela », le « il » ici, ça revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est témoin que le serviteur, que l'être humain, est ingrat envers ses bienfaits. Il est ingrat, Allah subhanahu wa ta'ala, il voit de cet être humain qu'il est ingrat. Naam, ça c'est la première explication. Naam. Et la deuxième explication, c'est que, certes, l'être humain, il est témoin de cela, de sa propre personne. Donc le « ha » ici, le pronom, il revient à l'être humain, à l'homme. Naam. Mais ce qui est correct, c'est que les deux sens sont compris dedans. Comme on avait vu dans la règle de l'explication du Coran, lorsqu'il y a deux sens, hein, deux explications dans un verset, ou plusieurs même, et qu'il n'a pas de contradiction entre ces sens, donc on prend tous ces sens, alhamdoulilah. Naam. Donc l'être humain, le sens ici c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala est témoin de cela, est témoin que, hein, l'être humain il est ingrat. Naam. Et l'être humain est témoin de cela aussi, car l'être humain, hein, il est témoin dans cette dunya, car il se peut qu'il reconnaisse dans cette dunya, il se peut qu'il reconnaisse le témoignage, qu'il reconnaisse, hein, comme il se peut qu'il ne le reconnaisse pas. Hein, peut-être qu'il va reconnaître qu'il est ingrat, mais il y en a qui ne reconnaissent pas dans cette dunya. Mais Yawm al-Qiyamah, dans l'au-delà, il témoignera contre lui-même et ne pourra rien dire à ce moment-là. Comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala, le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٍ. Et par l'amour des richesses, il est certes ardent. Il est certes ardent. C'est-à-dire l'amour des richesses pour l'être humain est une chose claire et apparente, comme on avait vu auparavant. Comme on l'avait vu dans Surat Al-Fajr, hein, l'aube, verset 20. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction approximative, et aimer les richesses d'un amour sans borne. Naam, c'est un grand amour, ardent. Et cet amour pour les biens est ce qui l'a amené à délaisser les obligations, hein, qui lui incombent. Hein, il a devancé le désir de sa personne sur les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a devancé la vie d'ici-bas sur l'au-delà. Il a été insouciant de l'au-delà. Et c'est pour cela, hein, il dit ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite en s'adressant à cette personne, en l'incitant à avoir peur du jour de la menace, c'est-à-dire le jour du jugement. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُرِ. Ne sait-il donc pas que lorsque ce qui est dans les tombes sera bouleversé, c'est-à-dire lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala fera sortir les morts de leurs tombes. Un jour terrible, comme on avait vu. Hein, les tombes, elles seront bouleversées. Comme on avait vu dans Sourate aussi, Az-Zalzala. Naam. Il dit ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, wa hussila ma fi soudour. Et que sera dévoilé ce qui est dans les poitrines. Tout ce qui est dans les poitrines, comme bien ou mal, sera apparent. Tout ce que les poitrines ont caché dans cette vie d'ici-bas, et que la personne, et que personne ne sait, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que dans cette dunya, tu peux cacher des choses. Les gens ne le savent pas. Seul Allah subhanahu wa ta'ala en a la connaissance. D'accord ? Mais le jour du jugement, le secret deviendra public. Et l'intérieur deviendra apparent. Apparaîtra sur leur visage, sur les visages des créatures, la conséquence de ces actes. La conséquence de ces actes. Tout sera dévoilé. يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرِ. Comme on l'avait vu dans Surat At-Tariq. Naam. Dit Allah subhanahu wa ta'ala, إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَ إِذٍ لَخَبِيرٍ. Et ce jour-là, certes, leur Seigneur sera parfaitement un connaisseur d'eux. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît ce qu'il cache dans cette vie d'ici-bas. Naam. Et يَوْمَ الْقِيَامَةِ, il les rétribuera selon ce qu'ils ont fait comme acte, qu'ils soient bien ou mauvais. Naam. Ainsi se termine, walhamdulillah, cette sourate al-Adiyat. Naam. Continue, inshallah ta'ala, avec sourate al-Qari'ah. Sourate al-Qari'ah. Le fraka. Naam. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, al-Qari'atu mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yawma yakunu an-nasu kal-farashi al-mabthuth, wa takunu al-jibalu kal-ihni al-manfush. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans la traduction approximative, le fracas. Qu'est-ce que le fracas? Naam. Donc le fracas ici, c'est le nom de cette sourate, donc Al-Qari'ah, ça vient de Al-Qari'ah, non? Et c'est un nom parmi les noms du jugement. C'est un nom parmi les noms du jour du jugement. Comme on avait vu auparavant tous les noms, hein, Yawm al-Qiyama, Al-Ghashiyah, Naam, At-Tama, As-Sakha, etc. Naam. Et il a été appelé le fracas. Pourquoi? Car c'est celle qui fracasse. Celle qui viendra frapper les oreilles, hein, ce jour-là, par sa frayeur. Celle qui viendra effrayer les cœurs. Hein, ça sera un fracas énorme, semblable à aucun autre fracas avant cela. Allahu al-musta'an. Le jour où on soufflera dans la trompe. Un fracas terrible. Naam. Qu'est-ce que le fracas? Allah subhanahu wa ta'ala dit ici mal-qari'ah. Ici, c'est une question pour montrer la grandeur et l'immensité de ce fracas. Et qui te dira ce qu'est le fracas? Ici, c'est encore min bab at-tawkid, à titre de, pour confirmer encore plus. Ça vient augmenter l'intensité et la grandeur. Et une faïda parmi les fawa'id, et un bénéfice parmi les bénéfices du Coran, c'est qu'à chaque fois que tu verras qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ma adraka mal-qari'ah, wa ma adrak, à chaque fois il va venir hein, expliquer c'est quoi. Naam. Comme on a vu à plusieurs reprises dans les sourates. Yawma yakunu an-nasu kal farash al-mabth. Il te dit ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit qu'est-ce que le fracas ici, hein, qu'est-ce qui va se passer? C'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés. C'est-à-dire le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés lorsqu'ils sortiront de leur tombe. Lorsqu'ils sortiront de leur tombe. Ils seront comme ce petit oiseau, ce petit insecte faible, hein, qui s'amasse, qui s'accumule lorsqu'il y a du feu la nuit. Tu les vois tous, les papillons, hein, ils sont tous, ils vont à droite, à gauche, ils s'accumulent, car ils voient la lumière, le feu. Elles sont faibles. Tu les vois voler, mais sans rectitude. Hein, tellement elles s'accumulent. Tellement elles s'accumulent et elles s'amassent, subhanallah, elles tombent, hein, dans le feu sans le savoir. Hein, et les gens qui sortiront de leur tombe sont comparables à ces papillons. Ils sont comparables à quoi? Dans la faiblesse. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit ici, hein, ils seront comme des papillons éparpillés. Pour dire que l'insan, hein, il est faible. Ils seront comme ces papillons dans la faiblesse, dans la confusion totale, l'entassage. Hein, ils marcheront mais sans être guidés, comme on a vu ce jour-là, c'est un jour terrible. Ils seront ivres. Mais en vérité, c'est quoi? Hein, c'est tellement intense. Naam, comme des papillons éparpillés. Et dans un autre verset, comme des sauterelles éparpillées. Même les sauterelles, tu les vois. Comme des sauterelles éparpillées. Allahu al-musta'an. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. Et les montagnes comme de la laine cardée. Ces montagnes, dans cette dunya, dans cette vie d'ici-bas, tu les vois, elles sont solides, enracinées, fermes, comme on a vu. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a mis dans cette vie d'ici-bas pour maintenir la terre, etc. Comme des piquets, comme on avait vu. Ça, c'est dans cette vie d'ici-bas. Hein, son immensité, son ampleur, sa dureté, yani, comment elle est solide. Mais le jour du jugement, cette montagne va disparaître. Les montagnes, le jour du jugement, seront comme de la laine cardée. Qu'est-ce que ça veut dire, la laine cardée? Al-Manfouch. C'est la laine qui est démêlée, qui est éparpillée. Quand tu prends la laine comme ça, ou le coton, et tu l'éparpilles comme ça avec tes mains, c'est ça, hein, le cardée. Elles deviendront très faibles et très légères. Après qu'elles aient été solides dans cette dunya, Yom Al-Qiyam, le jour du jugement, elles seront très légères. Elles vont s'envoler avec le moindre vent, subhanallah. Imagine-toi, toutes ces énormes montagnes, des milliards de tonnes de pierres, subhanallah, elles vont devenir ce jour, yani, ce jour terrible, hein, comme de la laine cardée. Et si telle est la situation de la montagne, comment sera alors cet être humain faible? C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va montrer ici que les balances seront dressées, seront posées. Et les gens se diviseront en deux groupes. Les heureux et les malheureux. Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَضِيَةٍ. Quant à celui dont la balance sera lourde, c'est-à-dire celui dont ses bonnes actions l'emporteront sur ses mauvaises actions. Lui, c'est l'heureux, alhamdulillah. Ses bonnes actions, elles l'emporteront, elles prendront le dessus sur quoi? Sur ses mauvaises actions. Naam. Fahuwa fi 'ishatin radiya. Il sera dans une vie agréable. Naam, dans des jardins de délices au paradis. Il sera heureux, joyeux, agréé de ses délices. Et le deuxième groupe, c'est quoi? Wa amma man khaffat mawazinuhu. Et quant à celui dont la balance sera légère, c'est-à-dire celui dont ses mauvaises actions l'emporteront sur ses bonnes. Elles prendront le dessus sur ses bonnes actions. Il dit celui-là, c'est qui? Il dit fa ummuhu hawiya. Sa mère est un abîme très profond. On va voir ici, ça veut dire quoi? Ummuhu, fa ummuhu. Sa mère, ils ont traduit par sa mère. La mère. La première explication de ce verset, c'est que la mer ici, c'est au sens sa destination. Hein, sa destination sera quoi? Est un abîme très profond, c'est-à-dire l'enfer. Parce que Al-Hawiya, c'est un nom parmi les noms de l'enfer. Naam. Et l'autre sens de l'Umm, Ummuhu, c'est-à-dire sa mère, c'est-à-dire son cerveau. Il tombera la tête la première en enfer, dans un abîme très profond. Ça sera son refuge. Comme dans cette dunya, il se réfugiait auprès de sa mère. Hein, dans Akhira, ici, lui, hein, il se réfugiera. Hein, son refuge sera quoi ? Sera cet abîme très profond. Wal'ayadu billah. Qu'Allah nous en préserve. Wallahu musta'an. Et qui te dira ce... Hein, wa ma adraka ma hiya. Et qui te dira ce que c'est ? Comme on a vu, c'est une question ici pour montrer hein, l'immensité, la grandeur de cette chose. Narun hamiya. C'est un feu ardent. C'est un feu ardent. Comme on avait vu, ce feu, hein, le feu de l'enfer par rapport au feu de cette dunya, comme il est venu dans le hadith, hein, c'est une partie des 70 parties du feu de l'enfer. Hein, le feu ici, hein, que fait le fils d'Adam, est une partie des 70 parties de l'enfer. Quand ils ont dit les sahaba par Allah, elle aurait été suffisante. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ajouté, il lui est supérieur de 69 parties, chacune de ces parties lui étant équivalente. Un feu ardent, le feu attisé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous préserve du feu de l'enfer. Amin. Ainsi se termine, alhamdulillah, cette sourate, sourate Al-Qari'a. Sourate Al-Qari'a. Naam. Et même si on voit que cette sourate, elle contient peu de versets, mais wallahi, ces versets, ça doit nous faire réfléchir, ça doit nous faire méditer, et surtout pour œuvrer, multiplier les bonnes œuvres, naam, et pour faire partie de ceux qui, dont les balances, hein, dont les bonnes actions en emporteront sur les mauvaises actions. Naam. On enchaîne, inshallah ou ta'ala, sur la sourate d'après, sourate At-Takathur. At-Takathur. Sourate, la course aux richesses. C'est une sourate mécoise, prégérienne. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hakum At-Takathur, hatta zurtum al-maqabir. Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit en réprimandant ici, en blâmant ses serviteurs, hein, dans ce qu'ils les ont distraits. Ils les ont distraits de quoi ? Du but de leur création. Pourquoi ils ont été créés ? Qui est d'adorer Allah seul sans rien lui associer. De connaître Allah subhanahu wa ta'ala, de revenir à lui. Et de faire devancer son amour sur toute chose. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, Al-hakum at-takathur, la course aux richesses vous distrait. La course aux richesses. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas cité ici de façon spécifique cette rivalité dans l'acquisition aux richesses. Car c'est général ici. Ça inclut tout ce qui pourrait distraire parmi les choses. Hein? Et cela inclut aussi toutes les choses avec lesquelles les êtres humains se rivalisent dans la course à l'orgueil. Hein? La course aux richesses, comme la rivalité dans l'acquisition des biens, des enfants, des alliés, des amis, des armées, des esclaves, de la renommée, la rivalité dans la science qui n'est pas bénéfique, car on ne parle pas ici de la science religieuse, celle qui est bénéfique justement, celle-là il faut, alhamdoulilah, il faut se rivaliser, mais ici on parle de la science yani, qui n'est pas bénéfique, et bien d'autres choses qui pourraient distraire. Naam. Et le but c'est seulement le but est seulement la course aux richesses et la rivalité, mais en aucun cas vous recherchez la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il dit Allah azza wa jal, sachez que la vie présente n'est que jeu amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Naam. Donc la course aux richesses vous distrait de ce pourquoi vous avez été créé. L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul sans rien lui associer. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Naam. Ainsi, vous ne cesserez d'être distrait par la course aux richesses et qu'elle vous préoccupe de l'au-delà jusqu'à ce que vous visitez les tombes. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Al-haakumut takathur hatta zurtumul al-maqabir, jusqu'à ce que vous visitez les tombes, c'est-à-dire jusqu'à ce que vous mouriez. La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous allez rentrer dans vos tombes, vous allez être enterré. La mort viendra par surprise. Ensuite, tu vas dans ta tombe. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien de toutes ces richesses dans lesquelles tu t'es rivalisé et qui t'a distrait. Il n'y aura rien de tout cela, excepté ton linceul. Al-Kafan. Juste ton linceul. Tu es venu dans cette vie d'ici-bas sans rien. Et tu repartiras aussi sans rien. Tu n'auras que ton linceul. Et l'œuvre pieuse. Et l'œuvre pieuse. Naam. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ici, quand il dit jusqu'à ce que vous visitiez les tombes, ça prouve une chose ici. Ici, ça prouve, comme ils disent les savants, que le monde de Barzakh, ce qu'on appelle Barzakh, c'est-à-dire le monde l'intermédiaire, c'est-à-dire la séparation entre la vie d'ici-bas et l'au-delà, ici, c'est juste un passage. Ça prouve que c'est juste un passage. Ce n'est pas éternel. Vous allez passer dans cette tombe et ensuite aller vers la demeure éternelle qui est l'au-delà. Hein? Car Allah subhanahu wa ta'ala ici les a appelés, il a dit Zurtum. Il les a appelés les visiteurs. Il n'a pas dit les résidents. Hein? Ce n'est pas les résidents ici. Car la demeure de la tombe n'est qu'une étape. Une étape d'attente. Hein? Pour aller ensuite vers l'au-delà, la demeure de la stabilité éternelle. Naam. Et cela prouve aussi qu'il y aura la résurrection et la rétribution des œuvres dans la demeure éternelle. D'accord ? Celle qui n'est pas éphémère. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala les menace juste après. Il dit Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Mais non, vous saurez bientôt. Encore une fois, non, vous saurez bientôt. Ici, c'est une menace après menace, comme disent les savants. Allah subhanahu wa ta'ala, il les menace après menace. C'est pour les réprimander, les blâmer. Kalla. Vous saurez la conséquence de votre affaire. Quelle est cette affaire? La course aux richesses qui vous a distrait de l'au-delà. Qui vous a distrait de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. De son obéissance. Et qui vous a amené à lui désobéir. Vous saurez votre demeure dans l'au-delà. Et ce qui sera devant vous. Kalla law ta'lamuna 'ilma al-yaqin. 'Ilma al-yaqin. Allah dit, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la traduction approximative, sûrement, si vous saviez de science certaine. C'est-à-dire, c'est quoi la science certaine? Ilmul yaqin, comme ils disent, c'est le premier degré. Hein, c'est ce que tu sais dans qui est dans les livres, dans le Coran et dans la Sunna. Naam. Et peut-être que des fois, tu ne le vois pas, comme on va voir pour l'enfer. Tu sais, alhamdoulilah, qu'il y a l'enfer, etc., mais tu ne le vois pas. Mais tu connais, tu as là l'information qui est véridique. Car tout ce qui est dans le Coran et la Sunna, c'est véridique. Donc ici, vous saviez de science certaine. C'est-à-dire, si vous saviez ce qui vous attend, ce qui sera devant vous d'une science qui atteint les cœurs, vous ne seriez pas distrait par la course aux richesses, mais plutôt vous vous seriez précipité et concurrencé dans les bonnes œuvres. Mais vous n'aviez pas la science certaine. Hein? Et cela vous a emmené à ce que vous voyez. La taraun al-jahim. Vous verrez certes la fournaise. Le jour du jugement viendra. Vous verrez l'enfer. Comme on avait vu, l'enfer elle sera ramenée. On avait vu comment elle sera ramenée. Subhanallah. Tellement que l'enfer, elle est immense, seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît son immensité. Hein, qu'elle sera traînée par des chaînes, 70 000 chaînes, et sur chaque chaîne 70 000 anges, imagine-toi, subhanallah. À ce moment-là, vous verrez l'enfer, la fournaise, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparée pour les mécréants. Ils la verront à ce moment-là. Et comme on a vu aussi les musulmans, hein, qui ont fait des grands péchés et qui séjourneront un moment en enfer, si Allah subhanahu wa ta'ala le veut, hein, séjourneront. Allah subhanahu wa ta'ala le veut aussi, et ils finiront par sortir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a préparé pour les mécréants cet enfer. Et les gens le verront de leurs yeux. Ils les verront de leurs yeux. Et c'est ça ici, Aïnul Yaqin. Comme on va le voir juste après. Thumma la taraunnaha Aïnul Yaqin. Puis vous la verrez certes avec l'œil de certitude. Lorsque tu observes avec tes yeux. Parce que ça, c'est encore plus fort que Ilmul Yaqin. Donc ici, les gens le verront de leurs yeux. Après qu'ils aient entendu parler de l'enfer, qu'on leur a décrit dans cette vie d'ici-bas, l'enfer, on leur a décrit cet enfer, etc. À ce moment-là, ils le verront de leurs yeux. Comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala, et les criminels verront le feu, ils seront alors convaincus qu'ils y tomberont et n'en trouveront pas d'échappatoire. Tu n'étais pas convaincu dans cette dunya, on te parlait de l'enfer, on te décrivait l'enfer, mais tu œuvrais dans le mal. Tu ne savais pas, ou du moins tu prétendais ne pas savoir, mais tu œuvrais dans le mal. Mais yawm al-qiyama, il n'y aura plus d'œuvre, mais tu verras. Ils seront alors convaincus. Et c'est ça, aïnul yaqin. Puis il dit Allah subhanahu wa ta'ala, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ إِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Puis vous la verrez certes, Arafouen. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la traduction approximative, puis assurément, vous serez interrogé ce jour-là sur les délices. Vous serez interrogé ce jour-là sur les délices. Naam. Les délices dont vous avez joui dans cette vie d'ici-bas, vous en serez interrogé. Est-ce que vous avez été reconnaissant? Vous êtes-vous acquitté du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses bienfaits? Avez-vous utilisé ces bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son obéissance et en s'éloignant de ses interdits afin qu'il vous donne des délices et des bienfaits bien plus élevés et meilleurs dans l'au-delà? Ou alors le contraire? Vous avez été trompé, dupé par ces délices. Vous n'avez pas été reconnaissant. Et vous vous êtes aidé de ces délices pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah vous châtiera pour cela. Comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Al-Ahqaf, verset 20. Et le jour où ceux qu'on mécru seront présentés au feu, il leur sera dit: vous avez dissipé vos biens excellents et vous en avez joui pleinement durant votre vie sur terre. On vous rétribue donc aujourd'hui du châtiment avilissant pour l'orgueil dont vous vous enfliez injustement sur terre et pour votre perversité. Allah nous préserve. Donc le délice dont Allah vous a comblé dans ce bas monde, il a un prix. Thamen, il a un prix, une valeur. Et le prix de ce délice, c'est quoi? C'est la reconnaissance. Et tu seras interrogé sur cela. Et l'interrogation ici, elle est différente entre le mécréant et le croyant. Car lui, le mécréant, la question, ça sera pour le réprimander, pour le blâmer et pour le punir par la suite. Mais la question qui sera posée au croyant, alhamdulillah, celui qui rentrera au paradis, ici ça sera juste pour lui rappeler les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a eu dans cette dunya et ce qu'il aura encore plus dans l'akhirah. Naam. Et il y a un dalil ici, une preuve que chacun sera interrogé yani sur le délice. Comme il est venu, comme Abu Huraira, il raconte qu'Allah l'agrée, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti un jour. Un jour ou une nuit. Il dit « Aou ». Ou une nuit. Et il a rencontré Abu Bakr et Omar, qu'Allah les agrée. Il leur a dit, qu'est-ce qui vous a fait sortir de chez vous à cette heure-là? Hein, ils répondirent, ce n'est autre que la faim. Ce qui nous a fait sortir, c'est la faim. On avait faim. Elle joua. Naam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il a dit, subhanallah, par celui qui détient mon âme entre ses mains, ce qui m'a fait sortir, c'est ce qui vous a fait sortir, la faim aussi. C'est la même raison qui l'a fait sortir. Et ils se rendirent chez un homme des Ansar. Mais cet homme-là, il n'était pas là, il était absent à ce moment-là. Et quand sa femme les aperçut, elle dit, yani, soyez les bienvenus. Et le prophète sallam a dit, où est ton mari? Hein, il lui a dit, il est parti chercher de l'eau. Alhamdulillah, lorsque l'homme arriva, et quand il a vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses deux compagnons, il a dit, alhamdulillah, personne en ce jour n'a des invités plus nobles que les miens. Donc il sortit, il leur apporta des dattes fraîches et sèches, en leur disant, mangez. Puis il prit un couteau, et voulant sortir, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, prends garde, n'égorge pas surtout une brebis qui allaite. Donc l'homme, il leur égorgea un mouton et leur offrit de sa viande. Donc après avoir mangé, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Abu Bakr et Omar, c'est la faim qui vous a fait sortir de chez vous et vous n'êtes pas retourné sans avoir reçu votre part de ses plaisirs. Vous serez interrogé sur cela au jour de la résurrection. Non. Donc chacun, il sera interrogé sur chaque plaisir de ce bas monde. Comment tu l'as utilisé? Comment tu t'en es servi? Naam. Qu'Allah qu'on fasse partie des gens qui utilisent yani, ses bienfaits et les délices dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il fasse que notre subsistance soit une aide pour son obéissance. Naam, amin. Alhamdulillah, ainsi se termine l'explication de cette grande sourate qui doit faire réfléchir chaque musulman et chaque musulmane. Naam. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan wa baraka fikum. On se retrouve, inshallah ta'ala, demain à la même heure pour continuer avec Surat Al-Hasr, Wal-Humaza, Wal-Fil, etc. Qu'Allah nous facilite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.